Le baron, comptant Marneff pour zéro, sortit et monta chez Lisbeth. Il lui passait dans la cervelle une de ces idées qui envoient le cœur quand il est incendié par la jalousie. La bassesse de Marneff lui était si connue qu'il supposa d'ignobles connivences entre la femme et le mari. « Que sont donc devenus ces messieurs et dames ?» demanda Marneff en se voyant seul avec Crevel. « Quand le soleil se couche, la basse cour en fait autant, » répondit Crevel. « Madame Marneff a disparu, ses adorateurs sont partis. Je vous propose un piquet, » ajouta Crevel, qui voulait rester. Lui aussi, il croyait le Brésilien dans la maison. Monsieur Marneff accepta. Le maire était aussi fin que le baron. Il pouvait demeurer au logis indéfiniment en jouant avec le mari qui, depuis la suppression des jeux publics, se contentait du jeu rétréci, mesquin, du monde. Le baron Hulot monta rapidement chez sa cousine Bette, mais il trouva la porte fermée et les demandes d'usage à travers la porte employèrent assez de temps pour permettre à des femmes alertes et rusées de disposer le spectacle d'une indigestion gorgée de thé.